The boy Craig. Eh, ça fait. Eh, rime en rafale comme Arafat, connard, avale ton rap tunnel, ça sent l'asphalte, qu'on s'en lasse, ah, qu'on surfe pas sur ta vague de merde, corbeille et sonne dans la place. Partenir. Ça c'est le rap du fond de la classe et on n'a pas fait fac de lettres. Tu crois tenir le rap d'en bas, t'entends des va te faire foutre. Hein, tu tapes l'air, chou m'a servir la même soupe. Ta haisse à la l'air cool, nous on vise la tête boum. Faut ton jean sale pète cool, ton public rap Facebook. On est serré d'aller ouf, chut, fais les terres s'épouffent. J'nique l'ambiance comme un célèbre dans le rap, salam alaikum. Nique les starlets, moi j'kiffe que quand j'kick avec mes cous. Appelle l'équipe, appelle les tous, MTC ça ferme des bouches. Joue pas les montagnes Anatoni, ton rap de merde à l'agonie. On va enterrer ton trou et ta grand-mère dans le même colline. On s'en bat les couilles, ton flow, ton buzz tout pourri. Viens pas raconter tes stories, genre American History. Aïe, y'a de la punchline, nègue, nègue, west side. MS sale, grosse taille, ça rap sale, normal. On fait les bails, illégal, 91 criminal. Viens pas squatter la place et t'as la chatte à Nicki Minaj. Pourquoi tu fais les gangs, you get pourquoi tu chips. Que le rap propose en paix, comme la chatte à FX. La chatte c'est l'air comme Jilali en CLR. On vient niquer des verres, c'est la place des PDR. Ici c'est Corbeil et Zone, mon pote on connaît personne. Combien sont venus, on fait les fous, on finit par rayer le sol. Tu veux du seum, j'te fournis, j'te fornique. Parle-nous pas de la street, si tu rentres chez toi à 6h30, l'Ermitage de Porsche la place. C'est la putain de pharmacie, tu peux me voir partout dans la ville avec un maillot Blue Magic tout seul. Ou en équipe, on bouge pas pour faire une manif, confond pas le lion, la panthère avec le petit caniche. Monte le son, 3-8 calibre, 9-100, passe le rallye. Que je passe mon temps à faire mes balises. Prends le sud des Paris, street beat, une grosse pilule et ses putains balises. Alcoolique notoire 9,1. Tu nous trouveras dans le sol, posé dans le bloc. Entre grosses cailles en train de gérer des grosses sommes. Accord baisez nous les boss. Accord baisez nous les boss. Accord baisez nous les boss. Accord baisez nous les boss. Tu nous trouveras dans les sols, posé dans le bloc. Pas le temps pour les clashs, si tu causes ma honte, treuil. Accord baisez nous les boss. Accord baisez nous les boss. Accord baisez nous les boss. Accord baisez nous les boss. Boss, boss. Wesh, fais tourner un bis, fais tourner du bif. Posté dans le haut, je vais exempter de la crise. Les MC vont prendre des gifs. Quand je m'y mets, ça crée des manifs. Ça fait péter des pare-brises. C'est à les boss, ça vient de Paname kiff. Et je t'arrange pas sur le tarif. Face à nous, tous ceux qui s'opposent vont faire shooter à haute dose. Prenez vos bolos dans le pleura. Ils peuvent tous passer à autre chose. Wesh, on te vise la cage thoracique. Du bon camas pour ce mois-ci. Vous êtes en panne sèche, boss de Paname, oh wesh, me voici. Ça met à chul, bon, chul, baisse. Blue Magic, t'arterai, représente, retour par ma veste. Un gars dans les veines, dans les gestes, autant brousser que la fiction ou les baisses. Et mon côté, c'est que tu pèses. Mettrai sur l'instru, lyrical criminel. Tu m'en perds de loin comme le gros cul à Nicki Minaj. Bonhomme, bonhomme, dans la tête. Bonhomme, bonhomme, dans la tête. Bonhomme, bonhomme, dans la tête. Bonhomme, bonhomme, dans la tête. Ça vient pour péter le score comme un Qataris sur les champs de Mars. Et quand une transaction se passe mal, les gendarmes pètent le champagne. Oh, t'en baves de voir tes empreintes sur des billets de sang, frère. Ton GPS a cramé, car ici c'est plus les enfers. Depuis 2001, ça tire des bastos sur la prod, tous les massales. Et on découpe nos pains avec des surimpropres. En 2013, poteau, laisse pas d'ADN sur un Glock. On va le faire à la Corse, une rafale de 6.35 sur un prod. La rime en mode go fast avec la caisse à Batman. Joue pas les stars pétasses, si dans ton faux sac guess. Y'a pas de maille, me parlez plus d'amour. Depuis que mon padre m'a dit bye bye. J'fonce le passé, le présent, le futur. Marque, feu dans la cabeça. C'est qui qui a fait ça. Cardiaque de Panamera. Bien à la casa. Par choc dans le mur de la poste. À ce qui paraît c'est un de mes potes. Tarteret history, j'te raconte pas. Tu vas faire de l'insomnie. Pas de nazi, ambiance crazy. Fais ton busy, en crédit. T'as plus de crédit. Fan Mimi, roule en OG comme la scie. Vroom vroom, passe la sixième. Pas de bitch dans l'habitacle. Pour l'air je viens te blesser. Niam à des bois, arrête d'aboyer. Fais pas le nerveux sur ton clavier. Face à face, mets un chialet. C-O-R, bébé, t'as plus qu'à appeler à l'aide. Remix dans les missous, comme un coup de boule à la Zizou. Corbeil, tu nous trouveras dans les sols, posé dans le bloc. Entre grosses cailles en train de gérer des grosses sommes. Accord baisez nous les boss. Accord baisez nous les boss. Accord baisez nous les boss. Accord baisez nous les boss. Tu nous trouveras dans les sols, posé dans le bloc. Pas le temps pour les clashs, si tu causes ma honte, treuil. Accord baisez nous les boss. Accord baisez nous les boss. Accord baisez nous les boss. Accord baisez nous les boss. Boss, boss. On est les boss, c'est clair, donc pas pas besoin de le citer. Si je te dis que ta meuf est bonne, ouais, c'est que je l'ai déjà tiré. Pas le temps pour des clashs. Si tu causes mal, on te persécute. Tu m'entendras jamais, jacassé comme toutes ces putes. On gère des grosses bouses, nous demande à fou soutien la ligne. Si pointé vers le soleil, sans nous elle faut du trampoline. Douceur, je te tire les vœux, je te mets des grosses fessées. Tu veux zouker, va fricoter avec ces autres PD. Jack Spartiate, et cela jusqu'à mon dernier souffle. Neuf à corbeille, et sonne very dangerous. Frotte pas par nous, tu vas y laisser des chicots. Sors de la salle, gonflé et robuste comme un taureau. Wesh alors on dit quoi? À Panama on est les boss. Mister FS Kabloum m'a dit que j'ai plus d'infos sur mon carrosse. Neuf insultes, tu clashes, on te nique ta mère, c'est comme ça que ça se passe. Tu peux demander à E.T. mes punchlines fusent dans l'espace. Vrai reconnaissent vrai, demande à Baxter. J'suis bloqué dans l'impasse du shit à nous, déchaîne les enfers. Nos stories, plus souvent, se terminent à la barre de fer. Cousin, j'ai pas attendu le 21 décembre pour enterrer mon salaire. On sème ce que l'on récolte, j'veux voir pousser des billets. Billets, la dégaine aussi louche que celle d'un canon scié. Yeah. Du haut de mes 18 piges, t'année, j'vais tous les plier. Yeah. Y'a pas que d'après la daronne que j'suis né pour briller. À Corbeil, on est les boss. Comme les Qataris, on bouge que pour des gros casses. Albert Spadjari, Corbeil mental de Hugo. C'est pas la place cliché. J'ai vu ta clique au bois de Boulogne, tous des travestis. À Paname on est les boss, toujours fidèles au poste. Depuis l'époque, prenez la coste. La rue on est ses gosses, parle de soi, on fait les poches. Les bijouteries on rentre en Porsche. Ta moche à la crosse et les flingues s'enrayent comme sur l'avenue Foch. Corbeil c'est nous les boss, fais pas style tu savais pas. On prend des risques comme Alassane, si ça casse on l'ouvre pas. Peine sur une jambe, Wadi Hassan. Dos argenté sur les champs comme King Kong on shit. Tu nous trouveras dans les salles, posé dans le bloc. Entre grosses tailles en train de gérer des grosses sommes. À Corbeil c'est nous les boss. À Corbeil c'est nous les boss. À Corbeil c'est nous les boss. À Corbeil c'est nous les boss. On se trouvera dans les sols, posé dans le bloc. Pas le temps pour les clashs, si tu causes mal, on te cogne. À Corbeil, c'est nous les boss. À Corbeil, c'est nous les boss. À Corbeil, c'est nous les boss. À Corbeil, c'est nous les boss. Cesse de raconter ta vie. À Corbeil, gros, c'est nous les boss. Inch'Allah, que le comique au crame avec l'OPJ et le chef de poste. Si tu penses à nous rafaler, bébé Lex, c'est la balle ricoche et les tarterets. C'est pas Miami, j'écoute l'injection, bah les couilles de ricross. À Corbeil, on est les boss. Les vrais savent qui mènent la cadence. Tu peux m'appeler Highlander, je vais t'enculer toi et ta descendance. Pas besoin de le voir pour le croire, c'était une balance. Quand la rue t'expulse, à toutes vouloir les baiser, ta future elle sera une de tes expulses. Dans nos ruelles, ça fait bla bla. Si tu l'ouvres, on casse le bla bla. On va au bout des choses, on recule pas, même quand y'a dra dra. Le peur c'est mon dada. En brouille, on ne recule pas, pas. Si j'arrive pas à te niquer ta mère, j'irai greffer une chatte à ton pas, pas, pas. Corbeil représentant la poche des bas pour le 9-1-100, là c'est le zoo. Suis mon conseil, place une arcelle au Tartaret. Y'a pas le feu, on est dans le game. Tout sopé, même dans les thèmes. Teste pas Amazon, t'es pas mazo. Même les duros, les freines. Viens pas cagouler, tant pis. Si tu vas finir comme un portin. Pour mes raps armés, les gros, mais pas gros. Y'a plus d'un contre un, c'est du Tartaret musique. Gros, l'injection tendue sonore. Ah, rap, ça l'attitude. Spike la pioche dans le sommoir. On a baisé les games, on a baisé les kings. Niquer des mères, y'a du sang sur les jeans. Sortez des bails, des fils, des chevrotines. Corbeil 5 et du flow que tu pour mes gros, pour ma team, mon négro, mon quartier pour les vrais, pas les faux, pour des vrais, mon défaut. Je préfère pas les faux, un peu moins mes défauts. J'encule le rap français. Hey, vu que le silence est d'or, ferme ta gueule si tu veux brasser. Rappeur précoce dès le départ, mes punchlines, j'irai les cracher. À Corbeil, c'est nous les boss, mais bien sûr, vous le savez. On brise des carrières, les MC se retrouvent tous sur SAV. J'fais la diff depuis que j'suis gauche, te jure, j'le fais pas exprès. Si moi j'suis mort dans le film, vous l'êtes dès le premier extrait. À Paname, on est les boss, ils en parlent dans les médias. Corbeil dangereux, vérifiable sur Wikipédia. 1, 2, 3, soleil, ne bougez pas ou je vous allume vos mères. Mais je ne fais pas partie de la nouvelle école, mais moi je suis là depuis le sommaire. Tu vas-tu m'apprendre, toi, Roman? J'arrive depuis l'époque où ma mère pensait à mettre des sandales. Toi, tu veux un fit, toi, sans blague. Tu t'en fais oreille pour toi, le coup, tu les balances en balle. Dans oh. Les sols, posé dans le bloc. Entre grosses tailles, en train de gérer des grosses sommes. À Corbeil, c'est nous les boss. À Corbeil, c'est nous les boss. À Corbeil, c'est nous les boss. À Corbeil, c'est nous les boss. On se trouvera dans les sols, posé dans le bloc. Pas le temps pour les clashs, si tu causes moi long, cogne. À Corbeil, c'est nous les boss. À Corbeil, c'est nous les boss. À Corbeil, c'est nous les boss. À Corbeil, c'est nous les boss. Boss, boss. Ah, ok, dédicace à Espion. J'ai des musiques, garde la pêche du beau. Yeah, à Corbeil, on est les boss. On est les boss. Yeah.